Le chemin de la perfection. Thérèse de Jésus. Lecture en synthèse vocale, markandanwordpress.com, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 35. La sainte continue à parler de l'oraison de recueillement, et puis adresse sa parole au Père éternel. De l'oraison de recueillement. Quoiqu'en traitant de l'oraison de recueillement, j'ai déjà fait voir comme nous devons nous retirer au-dedans de nous, pour y être seuls avec Dieu, je n'ai pas laissé de m'étendre encore beaucoup sur ce sujet, parce que c'est une chose de grande importance. C'est ce qui me fait ajouter, mes filles, que lorsque vous entendrez la messe sans y communier, vous pourrez y communier spirituellement, parce que cette pratique sainte est extrêmement utile. Vous devez alors vous recueillir au-dedans de vous tout de même que si vous aviez reçu le corps du Seigneur. Son amour s'imprime ainsi merveilleusement dans l'âme, parce que, nous préparant de la sorte à recevoir ses grâces, il ne manque jamais de nous les donner, et de se communiquer à nous en diverses manières, qui nous sont incompréhensibles. Car, comme si, durant l'hiver, entrant dans une chambre où il y aurait un grand feu, au lieu de nous en approcher nous nous tenions éloignés, nous ne pourrions nous bien chauffer, cela n'empêcherait pas que nous ne sentissions, et n'est-ce moins le froid que s'il n'y avait point de feu. Il en arrive ainsi dans la manière, dont nous nous approchons de Jésus-Christ en la Sainte Communion, mais avec cette différence, qu'il ne suffit pas de vouloir s'approcher du feu pour en ressentir la chaleur, au lieu que si l'âme est bien disposée, c'est-à-dire, si elle a un véritable désir de perdre sa froideur, et de s'unir à Jésus-Christ, comme à un feu qui doit répandre dans elle une ardeur divine. Et qu'elle demeure ainsi quelque temps recueillie auprès de lui, elle se sentira tout échauffée durant plusieurs heures, et une seule étincelle qui sortira de ce feu, sera capable de l'embraser toute. Or, il nous importe tant, mes filles, d'entrer dans cette disposition, que vous ne devez pas vous étonner, si je le répète plusieurs fois, que s'il arrive que dans les commencements cela ne vous réussisse pas, ne vous mettez point en peine, car il se pourra faire que le démon, sachant quel est le dommage qu'il en recevrait, vous représentera qu'il y a beaucoup plus de dévotion à pratiquer d'autres exercices de piété, et vous mettra dans un tel serrement de cœur, que vous ne saurez de quel côté vous tourner. Mais gardez-vous bien, si vous me croyez, de discontinuer, puisque rien ne peut mieux faire connaître à notre Seigneur que vous l'aimez véritablement. Souvenez-vous qu'il y a peu d'âmes, qui l'accompagnent et qui le suivent dans les travaux, et que si nous en souffrons quelques-uns pour lui il nous en saura bien récompenser. Considérez aussi qu'il y en a, qui non seulement ne veulent pas demeurer avec lui, mais le chassent de chez eux. N'est-il pas juste que nous souffrions quelque chose, afin qu'ils connaissent que nous désirons de le voir? Et puisqu'il n'y a rien qui ne souffre, et qu'il ne veuille souffrir pour trouver une âme qui le reçoive, et le retienne chez elle avec joie, faites que ce soit la vôtre, car s'il ne s'en trouvait aucune, qui se tint honorée de sa présence, son Père éternel n'aurait-il pas raison de ne point permettre qu'il demeurât avec nous? Mais il a tant d'affection pour ceux qui l'aiment, et tant de bonté pour ceux qui le servent, que, connaissant les sentiments de son cher Fils, il ne veut pas l'empêcher d'accomplir un ouvrage si digne de sa bonté, et dans lequel il témoigne si parfaitement quelle est la grandeur de son amour. Dieu Tout-Puissant, qui est dans les cieux, il n'y a point de doute que ne pouvant refuser à votre Fils, une chose qui nous est si avantageuse, vous lui accordiez sa demande. Mais après qu'il a voulu avec tant d'affection vous parler pour nous, ne se trouvera-t-il point, comme je l'ai dit, quelque personne qui veuille aussi vous parler pour lui? Soyons ces personnes, mes filles, et quoique, étant si misérables, ce serait être bien hardi de l'entreprendre, ne laissons pas, pour obéir à notre Sauveur, qui nous commande de nous adresser à son Père, de lui demander que, puisque son Fils n'a rien oublié de ce qu'il pouvait faire pour les hommes, en nous donnant son divin corps dans cet auguste sacrifice, afin que nous puissions le lui offrir, non pas une seule fois, mais plusieurs, il empêche qu'il n'y soit plus traité si indignement, et qu'il arrête le cours d'un mal si étrange, en faisant cesser les crimes de ces malheureux hérétiques, qui abattent les églises où cette adorable hostie repose, massacrent, les prêtres et abolissent les sacrements. S'est-il jamais, mon Dieu, rien vu de semblable? Faites donc finir le monde, ou remédiez à ces sacrilèges. Il n'y a point de cœur qui les puisse supporter, non pas même le nôtre, quelque mauvaise et quelque imparfaite que nous soyons. Je vous conjure donc, ô Père éternel, de ne point souffrir ces désordres, arrêtez ce feu qui croît toujours, puisque, si vous le voulez, vous le pouvez. Considérez que votre divin Fils est encore au monde, et qu'il est bien juste que le respect qu'on lui doit fasse cesser des actions si abominables. Car comment son incomparable pureté peut-elle souffrir qu'on les commette dans l'Église, qui est la maison toute pure et toute sainte, qu'il a choisie pour sa demeure? Que si vous ne voulez, ô mon Dieu, faire cela pour l'amour de nous, qui ne le méritons pas, faites-le pour l'amour de lui, car nous n'oserions vous supplier, qu'il cesse d'être avec nous, puisqu'il a obtenu de vous que vous y laisseriez durant tout ce jour, c'est-à-dire, durant toute la durée du monde, sans quoi, que serait-ce de nous? Tout ne périrait-il pas, puisque ce précieux gage est la seule chose qui soit capable de vous apaiser? Remédiez donc, Seigneur, à un si grand mal, il ne peut être arrêté que par un puissant remède, et ce remède ne peut venir que de vous, Seigneur, qui ne manquez jamais de reconnaître ce que l'on fait pour l'amour de vous. Que je serais heureuse si je vous avais rendu tant de services, qu'ayant quelque droit de vous importuner, je puisse vous demander pour récompense une si grande faveur. Mais hélas, je suis bien éloignée d'être en cet état, puisque ce sont peut-être mes péchés qui vous ayant irrité, ont attiré sur nous tous ces maux. Que dois-je donc faire, mon Créateur, sinon de vous présenter ce très sacré pain, vous le donner après l'avoir reçu de vous, et vous conjurer, par les mérites de votre Fils, de m'accorder cette grâce qu'il a méritée en tant de manières? Ne différez pas davantage, ô Dieu Tout-Puissant, à calmer cette tempête. Ne souffrez pas que le vaisseau de votre Église soit toujours agité de tant d'orages, et sauvez-nous, car nous périssons. Chapitre 36. Sur ces paroles du Pater, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sur quoi la Sainte s'étend fort à faire voir quelle folie, c'est que de s'arrêter à des pointilles d'honneur dans les monastères. Sur ces paroles du Pater, et pardonnez-nous nos offenses. Notre divin Maître, voyant que cette viande céleste nous rend toutes choses si faciles, pourvu que nos péchés n'y apportent point d'obstacle, nous pouvons exécuter ce que nous avons dit à son Père, que sa volonté s'accomplisse en nous, il ajoute, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sur quoi considérer, je vous prie, mes sœurs, qu'il ne dit pas comme nous pardonnerons, afin de nous faire entendre que celui qui vient de demander au Père éternel, un don aussi précieux qu'est le pain sacré du corps de son Fils, et qui a soumis parfaitement sa volonté à celle de Dieu, doit avoir déjà pardonné aux autres tout ce qu'ils auraient pu commettre contre lui, c'est pourquoi il dit, comme nous pardonnons. Pour faire voir que celui qui a une fois proféré cette parole, que votre volonté soit faite, doit avoir déjà pardonné toutes les injures qu'il a reçues, ou au moins en avoir fait une ferme résolution dans son cœur. Considérez comme les saints se réjouissaient de souffrir des persécutions et des injures, parce qu'elles leur donnaient moyen d'offrir quelque chose à Dieu, en même temps qu'ils lui demandaient tant de choses. Mais que fera une pauvre pécheresse telle que je suis, ayant eu si peu de sujets de pardonner, et ayant tant de besoins qu'on lui pardonne? S'il se rencontre des personnes qui me ressemblent en cela, et qui ne comprennent pas de quelles conséquences est cet avis, je les conjure, mon Sauveur, en votre nom, d'y faire une réflexion sérieuse, et de mépriser ces bagatelles à qui l'on donne le nom d'affront, puisqu'en vérité toutes ces pointilles d'honneur ressemblent proprement aux maisonnettes que les enfants font avec de la paille. Oh mon Dieu, si nous savions bien ce que c'est que le point d'honneur, et en quoi consiste la perte. Je ne parle pas à vous, mes sœurs, en disant ceci, puisque vous seriez bien malheureuses, si vous ne compreniez pas encore cette vérité, mais je parle à moi-même du temps que je faisais cas de l'honneur sans savoir ce que c'était, et que je me laissais aussi emporter au torrent de la coutume. Hélas, quelles étaient les choses qui me donnaient alors de la peine? Que j'en ai de honte maintenant, quoique je ne fusse pas du nombre de celles qui s'arrêtaient le plus à ces points d'honneur. Il paraît bien que je ne considérais pas quel est l'honneur véritable, puisque je ne tenais compte de l'honneur qui, étant avantageux à notre âme, mérite seul d'être recherché. Oh, que celui qui disait que l'honneur et le profit ne se rencontrent point ensemble, avec grande raison de parler ainsi, car, bien que peut-être il ne l'entendit pas de la même manière qu'on doit l'entendre, il est vrai néanmoins, au pied de la lettre, que ce qui est utile à notre âme ne peut jamais se rencontrer avec ce que le monde appelle honneur. C'est une chose étonnante de voir le renversement qui est dans le siècle. Béni soyez-vous, mon Seigneur, de nous en avoir retiré, et faites-nous, s'il vous plaît, la grâce d'en être toujours aussi éloignés que nous le sommes maintenant, car Dieu nous garde de ces monastères où se rencontrent ces points d'honneur, qui font que l'on rend à Dieu si peu d'honneur. Mais considérez, mes sœurs, que le démon ne nous a point oubliés, quelque retirés que nous soyons, puisque même dans les monastères il invente des points d'honneur, et établit des lois selon lesquelles on monte, où l'on descend par les différents degrés des charges, ainsi que les gens du monde, et l'on met son honneur dans des choses si basses et si frivoles, que je n'y saurais penser sans étonnement. Que les savants se conduisent, si bon leur semble, selon les règles établies entre eux, car ce n'est pas à moi de juger s'ils ont raison. Celui qui a enseigné la théologie, croirait sans doute se rabaisser en montrant la philosophie, parce que le point des honneurs veut que l'on monte et non pas que l'on descende, et quand même on lui ordonnerait de le faire par obéissance, il ne laisserait pas d'estimer qu'on lui ferait tort, et ne serait pas seul de cet avis, d'autres soutiendraient aussi que ce serait lui faire injure, en quoi le démon se joignant à eux, il leur inspirerait des raisons pour montrer que cela est fondé dans la loi de Dieu. Pour ce qui regarde les religieuses, celle qui a été prieure ne doit plus, à ce que l'on prétend, être employée à des offices moins considérables. On prend garde aussi à celle qui est la plus ancienne, car on est exact à se souvenir de toutes ces choses, et on s'imagine même qu'il y a du mérite à le faire, sous prétexte que nos constitutions nous ordonnent d'y avoir égard. N'est-ce pas un juste sujet de rire, ou pour mieux dire de pleurer? Je sais que nos constitutions ne nous ordonnent point de ne pas garder d'humilité. Que si elles prescrivent quelque chose touchant les égards qu'on doit avoir pour celles qui sont plus anciennes, ce n'est qu'afin que tout soit dans l'ordre et bien réglé. Mais devons-nous être plus soigneuses, et plus exactes à observer nos constitutions en ce qui regarde notre propre estime, que nous ne le sommes à les pratiquer en tant d'autres choses, que nous ne gardons peut-être qu'assez imparfaitement? Ne mettons donc pas, je vous prie, notre perfection à les observer en ceci. C'est à X autres à y prendre garde et non pas à nous, mais le mal est que, quoiqu'on ne monte pas au ciel par ce chemin, notre inclination nous porte si fort à monter que nous ne pensons point à descendre. Ô mon Sauveur, n'êtes-vous pas tout ensemble et notre maître et notre modèle? Oui, sans doute. Or, en quoi donc, mon divin maître, avez-vous établi votre honneur? L'avez-vous perdu en vous humiliant jusqu'à la mort? Non, certes, mais, au contraire, cet abaissement a été la cause et la source de l'honneur de tous les hommes. Hélas, mes filles, je vous demande, au nom de Dieu, de considérer que, si nous prenons ce chemin, nous n'arriverons jamais à nous prétendons aller, puisque nous nous égarons dès l'entrée, et je prie de tout mon cœur notre Seigneur que nul aime, ne se perde par ce détestable point d'honneur, sans savoir en quoi il consiste. Quoi, pour avoir pardonné des choses qui n'étaient en effet ni une injure, ni un affront, ni rien du tout, nous croirons avoir fait quelque chose de considérable, et nous nous imaginerons que Dieu nous doit pardonner, parce que nous avons pardonné? Portez la lumière, Seigneur, dans les ténèbres de notre ignorance, faites-nous connaître que nous ne nous connaissons. N'est-ce pas nous-mêmes, que nous nous présentons à vous les mains vides, et pardonnez-nous nos fautes par votre bonté et par votre miséricorde. Il faut que Jésus-Christ ait merveilleusement estimé cet amour que nous nous devons porter les unes aux autres, puisque, pour obliger son Père à nous pardonner, il aurait pu lui représenter d'autres considérations que celles-là. Il aurait pu lui dire, pardonnez-nous. Seigneur, parce que nous faisons de fort grandes pénitences, ou parce que nous prions beaucoup, ou parce que nous jeûnons très exactement, ou parce que nous avons tout abandonné pour l'amour de vous, ou parce que nous vous aimons de tout notre cœur, ou parce que nous sommes prêts de perdre la vie pour votre service, et d'autres choses semblables. Mais il se contente de dire, parce que nous pardonnons. La raison en est peut-être que, sachant combien nous sommes attachés à ce misérable honneur, et qu'il n'y a rien à quoi nous ayons plus de peine à nous résoudre qu'à le mépriser, il croit ne pouvoir rien offrir de notre part à Dieu, son Père qui lui soit plus agréable. Prenez donc garde, mes sœurs, que ces paroles nous pardonnons font voir, ainsi que je l'ai dit, que notre Seigneur parle comme d'une chose déjà faite, et remarquez bien aussi que lorsque, dans quelqu'une des occasions dont j'ai parlé, une âme, au sortir de cette oraison, qui est la plus parfaite contemplation, ne se trouve pas dans une ferme résolution de pardonner, je ne dis pas ces bagatelles à qui on donne faussement le nom d'injures. Mais de véritables injures, quelque grandes qu'elles puissent être, elle ne doit pas beaucoup se fier en son oraison, parce qu'une âme que Dieu a élevée jusqu'à lui par une oraison si sublime, regarde toutes ces injures comme étant en dessous d'elle, et se soucie aussi peu d'être estimée que mésestimée, ou, pour mieux dire, l'honneur lui cause plus de peine que le déshonneur, et elle trouve plus de plaisir dans les travaux que dans toutes les consolations de cette vie, car, comme Dieu l'a fait entrer dès ici-bas, dans une véritable possession de son royaume, elle ne cherche aucune satisfaction dans le monde, parce que, connaissant par sa propre expérience, l'avantage qu'elle en retire de souffrir pour lui, elle sait que c'est par ce chemin qu'il faut marcher pour pouvoir régner avec plus de gloire, et il n'arrive guère que Dieu fasse des grâces si extraordinaires à ceux qui n'ont point enduré avec joie de grands travaux pour l'amour de lui, c'est pourquoi, comme je l'ai dit, ceux des contemplatifs sont fort grands. À cause que notre Seigneur veut, qu'ils soient proportionnés aux grâces dont il les favorise. Sachez donc, mes filles, que comme ces âmes ont une parfaite connaissance du néant du monde, elles ne s'arrêtent guère dans ce qu'elles savent devoir passer en un moment. Et s'il arrive que d'abord quelque grande injure, ou quelque déplaisir extraordinaire leur frappe l'esprit, elles ne commencent pas plus tôt à le sentir, que la raison vient à leur secours, et dissipe leur peine par la joie de voir, que Dieu leur offre cette occasion d'obtenir de lui en un jour plus de grâce et de faveur, qu'elles n'auraient pu en espérer en disant par les travaux qu'elles auraient souffert par leur propre choix. Je sais que cela est fort ordinaire, car j'ai communiqué avec beaucoup de contemplatifs, qui n'estiment pas moins ces peines que d'autres estiment l'or et les pierreries, parce qu'ils savent que c'est le vrai moyen de s'enrichir. Ces personnes sont si éloignées d'avoir en quoi que ce soit bonne opinion d'elles-mêmes, qu'elles sont bien aises que l'on sache leurs péchés, et prennent même plaisir à les dire, quand elles voient que l'on fait cas d'elles. Elles ne sont pas aussi moins humbles en ce qui regarde la noblesse de leur race, à cause qu'elles sont très persuadées, que cette gloire temporelle leur sera fort inutile pour gagner ce royaume qui est éternel. Que si elles sont bien aises d'être d'une naissance illustre, c'est seulement lorsque cela peut servir à la plus grande gloire de Dieu. À moins que de cette considération, elles ont peine à souffrir qu'on les estime davantage, qu'elles ne pensent le devoir être, et elles prennent même plaisir à désabuser ceux qui ont une créance d'elles plus favorable qu'elles. Les ne voudraient. Ce qui procède, à mon avis, de ceux à qui Dieu fait la grâce de donner cette humilité et cette passion de le servir le plus parfaitement qu'il leur est possible, entre dans un tel oubli d'eux-mêmes, qu'ils sont insensibles à ces mauvais traitements, et ne peuvent se persuader que les autres les prennent pour des injures. Mais cela ne se rencontre que dans les personnes de la plus haute vertu, et à qui notre Seigneur fait ordinairement la faveur de les approcher de lui par la contemplation parfaite. Quant au premier point, qui est de se résoudre à souffrir des mépris et des injures, quoi qu'on ressente de la peine, j'estime que celui à qui Dieu fait la grâce d'arriver jusqu'à l'union, obtient en peu de temps ce bonheur, et que s'il ne l'obtient pas, et ne se sent pas plus affermi dans la vertu au sortir de l'oraison, il a sujet de croire que ce qu'il prenait pour union, au lieu d'être une faveur de Dieu, n'est qu'une illusion du diable, qui veut lui donner de la vanité. Il peut néanmoins arriver que, lorsque Dieu ne fait que commencer à donner ses grâces à une âme, elle ne se trouve pas dans cette force dont j'ai parlé, mais je dis que s'il continue à la favoriser de ses dons, elle acquerra en peu de temps, sinon dans les autres vertus, au moins dans celle de pardonner les offenses. Pour moi, je ne saurais croire que Dieu, étant comme il est non seulement miséricordieux, mais la miséricorde même, une âme qui s'approche si fort de lui, et connaît par ce moyen son néant, et le grand nombre de péchés qu'il lui a remis, puisse avoir la moindre peine de pardonner alors même, et de se réconcilier avec celui qui l'a offensé, parce qu'ayant devant les yeux les grâces que Dieu lui a faites, et qui sont comme autant de preuves de la grandeur de son amour, elle ne saurait manquer, ce me semble, à se réjouir de rencontrer des occasions de lui donner quelques marques du sien pour lui. Je dis encore que, selon la connaissance que j'ai de plusieurs personnes que Dieu, par une grâce particulière, élève à des choses surnaturelles, en leur accordant cette oraison ou cette contemplation dont j'ai parlé, quoique l'on puisse remarquer en elles d'autres imperfections et d'autres fautes, toutefois, pour ce qui regarde le pardon des offenses, je n'ai jamais vu qu'elles y aient manqué, ni ne crois pas qu'elles le puissent. Si ces faveurs viennent véritablement de Dieu, c'est pourquoi plus elles sont grandes, et plus ceux qui les reçoivent doivent prendre garde, si elles produisent ces bons effets, et si elles n'en produisent aucun, beaucoup appréhender et croire qu'elles ne viennent pas de Dieu, puisqu'il ne s'approche jamais d'une âme sans l'enrichir en l'établissant dans la vertu. Car il est certain qu'encore que ces faveurs passent promptement, on le connaît avec le temps par les avantages, et les bons effets qui en demeurent dans l'âme, et ainsi, comme notre divin Sauveur sait que l'effet de ces faveurs est le pardon des offenses, il ne craint point de nous faire dire en termes exprès à son Père, ainsi que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chapitre 37. De l'excellence de l'oraison du Pater, et des avantages qui se rencontrent dans cette sainte prière. De l'excellence de l'oraison du Pater. On ne saurait trop rendre grâce à Dieu de la sublime perfection, qui se rencontre dans cette prière évangélique, qui nous a été enseignée par un maître si savant et si admirable. Ainsi, mes filles, il n'y en a pas une de nous qui ne puisse s'en servir pour ses besoins particuliers. Je ne saurais voir sans étonnement, que ce peu de paroles enferme de telles sortes toute la contemplation et toute la perfection, qu'il semble que, sans avoir besoin d'aucun livre, il nous suffit de bien étudier cette prière si sainte, puisque notre Seigneur nous y a enseigné, dans les quatre premières demandes, tous les différents degrés de l'oraison et de la contemplation, depuis les commencements jusqu'à l'oraison mentale, à l'oraison de quiétude, et à celle d'union. Tellement que, si j'en étais capable, je pourrais, en bâtissant sur un fondement si solide, faire tout un grand traité de l'oraison. Mais, dans la cinquième demande, notre Seigneur commence à nous faire connaître quels sont les effets que produisent ses faveurs en nous, lorsqu'elles procèdent véritablement de lui, ainsi que je l'ai déjà dit. Considérant d'où pouvait venir, Ce que Jésus-Christ n'a pas expliqué plus particulièrement des choses si obscures et si élevées, pour les faire entendre à tout le monde, il me semble que c'est parce que cette prière devant être générale, pour pouvoir servir à tous, il n'a pas voulu davantage l'éclaircir, afin que tous se persuadant de la bien entendre, chacun pût, en la disant, demander ce qui serait nécessaire pour sa consolation et pour ses besoins, et qu'ainsi les contemplatifs, et ceux qui se donnent à Dieu sans réserve, méprisant les choses périssables, lui demandent seulement les faveurs du ciel, que son extrême bonté veut bien donner ici-bas, et que ceux qui sont encore dans les engagements du monde, lui demandent le pain et les autres choses conformes à leur état, qu'ils peuvent justement lui demander pour eux et pour leur famille. Mais quant à ce qui est de donner notre volonté à Dieu, et pardonner les offenses qui nous sont faites, ce sont deux choses à quoi tout le monde est obligé. Je demeure tout à fait d'accord qu'ils s'y rencontrent du plus et du moins. Les parfaits donnent parfaitement leur volonté et pardonnent parfaitement, au lieu que nous autres, mes sœurs, satisfaisons comme nous pouvons à ses devoirs. Car notre Seigneur est si bon, qu'il reçoit tout en paiement, et il semble qu'il ait fait en notre nom comme un pacte avec son Père, en lui disant, « Seigneur, faites, s'il vous plaît, cela, et mes frères feront ceci. » Or, nous sommes bien assurés que Dieu ne manquera point de son côté, car eut-il jamais un si bon payeur, et si libéral? Il pourrait même arriver que disant une seule fois, cette oraison avec une intention très sincère de tenir ce que nous lui promettons, elle suffirait pour le porter à nous combler de ses grâces, parce qu'il aime tant la vérité, et prend tant de plaisir que l'on traite avec lui sincèrement, que lorsque nous agissons de la sorte, il nous accorde toujours plus que nous ne lui demandons. Mais comme ce maître admirable, c'est que ceux qui demandent avec la perfection dont j'ai parlé, reçoivent de son Père éternel des faveurs, qui les élèvent à un très haut degré de bonheur, comme il sait que ceux, ou qui sont parfaits, ou en chemin de le devenir, tiennent le monde sous leurs pieds, et ne craignent rien, parce que les bons effets que Dieu opère dans leurs âmes les assurent qu'il est satisfait d'eux, et enfin comme il sait qu'étant saintement enivré de ces faveurs si extraordinaires qu'il leur fait dans l'oraison, ils oublieraient aisément qu'il y a un autre monde, et qu'ils ont des ennemis à combattre, il a soin de les avertir des périls qui les environnent. Ô éternelle sagesse, ô incomparable maître! Quel bonheur, croyez-vous, mes filles, que ce vous est de ce qui n'est pas seulement très sage, mais qu'il appréhende tant pour nous, qu'il détourne tous les périls qui nous menacent? C'est le plus grand bien qu'une âme sainte puisse désirer dans le monde, et je ne saurais assez l'exprimer par mes paroles, puisque cette protection de Dieu est la plus grande assurance que nous puissions avoir sur la terre. Notre Seigneur ayant donc vu combien il importe à ces âmes de les réveiller pour les faire souvenir qu'elles ont des ennemis qui les obligent à se tenir toujours sur leur garde, et que plus elles sont élevées, plus elles ont besoin du secours de son Père éternel, puisqu'en tombant elles tomberaient de plus haut, et voulant d'ailleurs les délivrer des pièges où elles s'engageraient sans y penser, il lui fait pour elles ces deux dernières demandes, si nécessaires à tous ceux qui vivent encore, dans l'exil de cette vie, et ne nous laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal. Chapitre 38. Sur ces paroles du Pater, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Et que les parfaits ne demandent point à Dieu d'être délivrés de leur peine. Divers moyens dont le démon se sert pour tenter les personnes religieuses et de l'humilité, de la patience, et de la pauvreté. Dernière demande du Pater. Que les parfaits ne désirent point d'être délivrés de leur peine. Puisque nous faisons ces demandes, nous avons sujet de croire qu'elles nous sont fort importantes. Pour moi, mes sœurs, je tiens que les parfaits ne demandent point à Dieu d'être délivrés de leurs peines, de leurs tentations et de leurs combats, parce que ce leur sont des preuves indubitables, que leur contemplation et les faveurs qu'ils y reçoivent procèdent de son esprit, et qu'ainsi, au lieu d'appréhender ses travaux, ils les désirent, ils les demandent, et ils les aiment. En quoi ils ressemblent aux soldats, qui ne souhaitent rien tant que la guerre, parce qu'ils espèrent d'y faire fortune, et que dans la paix, n'ayant que leur solde, ils ne sauraient s'enrichir. Croyez-moi, mes filles, les soldats de Jésus-Christ, qui sont les contemplatifs, ne voient jamais trop tôt à leur gré venir l'heure du combat. Ils craignent peu leurs ennemis visibles et découverts, et n'ont garde de s'enfuir devant eux, parce qu'ils savent que leur force étant impuissante contre celle de Dieu, qui les soutient, ils en demeureront toujours victorieux. Les seuls ennemis qu'ils appréhendent avec raison, dont ils demandent à Dieu qu'il les délivre, sont ces ennemis cachés, ces démons qui combattent en trahison et avec finesse, qui se transforment en des anges de lumière, qui nous font tomber dans leurs embûches, sans que nous nous en apercevions, et qui ne se laissent connaître, qu'après avoir bu le sang de notre âme, et ravi ce que nous avons de vertu. Artifice du démon pour tenter les religieuses. Nous devons souvent, mes filles, demander à Dieu, dans cette sainte prière, qu'il nous délivre de ses ennemis secrets, et qu'il ne permette pas qu'étant trompés par leurs artifices, nous succombions à la tentation. Nous devons le prier qu'il nous découvre le venin, dont ils veulent nous empoisonner, et qu'il dissipe les ténèbres, dont il nous offusque pour nous empêcher de voir sa lumière. Ce n'est donc pas sans raison que cet adorable maître nous apprend à faire cette demande qu'il adresse pour nous à son Père, et vous devez remarquer que ces malheureux esprits nous nuisent en plusieurs manières, car ne vous imaginez pas que le seul mal qui nous procure soit de nous persuader que ces douceurs et ces consolations qui nous font malicieusement ressentir durant l'oraison viennent de Dieu, au contraire c'est en quelque sorte, à mon avis, le moindre mal qu'il nous puisse faire. Et il pourra même arriver que ce nous sera un sujet de nous avancer, parce que, dans l'ignorance que cela procède du démon, et dans la créance qu'il vient de Dieu, ce plaisir que l'on reçoit dans l'oraison, fait que l'on s'y occupe davantage, que, se reconnaissant indigne de ses grâces, on en remercie sans cesse Dieu, qu'on s'estime plus obligé de le servir, et qu'on s'efforce de l'engager, par une humble reconnaissance, à ajouter de nouvelles faveurs en première. De l'humilité. Travaillez continuellement, mes sœurs, pour acquérir l'humilité, reconnaissez que vous n'êtes pas digne de ces faveurs, et ne les recherchez point. Par ce moyen le diable, au lieu de gagner des âmes, en perd beaucoup, à mon avis, de celles dont il croit pouvoir procurer la perte, et Dieu tire notre bien du mal qu'il voulait nous faire. Car le Seigneur est fidèle en ses promesses, et voyant que notre intention dans l'oraison est de le contenter et de le servir, il demeure satisfait de nous. Mais nous devons être sur nos gardes, de peur que notre ennemi n'affaiblisse notre humilité par quelques pensées de vaine gloire, dont il faut bien prier Dieu qu'il nous délivre, et ne craignez pas, mes filles, qu'il permette que vous receviez longtemps des consolations, qui viennent d'un autre que de lui. Le plus grand préjudice que le démon nous pourrait faire, sans que nous nous en aperçussions, serait de nous persuader que nous aurions des vertus que nous n'avons pas. Car au lieu que dans les douceurs, et les consolations dont j'ai parlé, nous ne pouvons avoir d'autres pensées, sinon que ces faveurs que nous croyons recevoir de Dieu, nous obligent à le servir avec encore plus d'ardeur, ici il nous semble, au contraire, que c'est nous qui lui donnons et qui le servons, et qu'il est de sa bonté de nous en récompenser. Cette créance fait peu à peu un extrême tort, parce qu'elle diminue l'humilité, et porte à négliger d'acquérir les vertus que l'on croit déjà posséder. Ainsi, s'estimant être en assurance, on tombe sans s'en apercevoir dans un piège d'où l'on ne saurait se retirer, car encore que ce ne soit pas un visible péché mortel capable de précipiter l'âme dans l'enfer, il affaiblit de telle sorte qu'elle ne peut plus marcher dans ce chemin dont j'ai commencé à vous parler. Je vous assure que cette tentation est très périlleuse, et j'en ai tant d'expérience que je puis hardiment vous en parler, quoique ce ne soit pas si bien que je le voudrais. Quel remède donc y a-t-il, mes sœurs? Je n'en trouve point de meilleur que celui que notre divin maître nous enseigne, qui est de prier, dans cette oraison, son Père éternel de ne pas permettre que nous succombions à la tentation. J'y en ajouterai un autre, c'est que s'il nous semble que notre Seigneur nous a donné quelque vertu, nous devons la considérer comme un bien que nous avons reçu de lui et qu'il peut à toute heure nous ôter, ainsi qu'il arrive souvent par l'ordre de la Providence. Ne l'avez-vous jamais éprouvé, mes filles? Si vous dites que non, je n'en dirai pas de même. Car quelquefois il me semble que je suis fort détaché, et lorsque j'en viens à l'épreuve, je trouve en effet que je le suis. D'autres fois je me trouve si attaché, et à des choses dont je me serais peut-être moqué le jour précédent, que je ne me connais plus moi-même. Quelquefois je me sens avoir tant de cœur, qu'il me semble que s'il s'offrait des occasions de servir Dieu, rien ne serait capable de m'étonner, et en effet je trouve que cela est véritable dans quelques-unes. Mais le lendemain, je me vois dans une telle lâcheté, que je n'aurais pas le courage de tuer une fourmi pour l'amour de lui, si j'y rencontrais la moindre contradiction. Quelquefois je m'imagine que, quoi que l'on pût dire à mon préjudice, et quelque murmure qui s'éleva contre moi, je le souffrirais sans aucune peine, et j'ai reconnu en diverses rencontres, que je ne m'étais pas trompé, puisque j'en avais même de la joie, et, en d'autres temps, les moindres paroles m'affligent si fort, que je voudrais être hors du monde, tant tout ce que j'y vois me déplaît. En tout cela, je ne suis pas seul, car j'ai remarqué les mêmes choses en plusieurs personnes meilleures que moi, et je sais qu'en effet elles se passent de la sorte. Que s'il en est ainsi, mes sœurs, qui sera celui qui pourra dire, que son âme est enrichie des vertus, puisque dans le temps où l'on en a le plus besoin, on trouve que l'on n'en a point? Gardons-nous donc bien de concevoir de telles pensées. Reconnaissons, au contraire, que nous sommes pauvres, et ne nous endettons pas sans avoir de quoi payer, en nous attribuant des vertus qui ne nous appartiennent point. Le trésor de notre âme est dans les mains de Dieu, et non dans les nôtres, et nous ne savons pas quand il lui plaira de nous laisser dans la prison de notre pauvreté et de notre misère sans nous rien donner. Que savons-nous si lorsque les autres nous tiennent pour bonnes et que nous croyons l'être, il continuera à nous faire part de ses grâces, ou s'il ne voudra pas les retirer, comme étant un bien que nous ne possédons que par emprunt, ce qui nous rendrait dignes d'être moqués de tout le monde, et particulièrement de ceux qui auraient eu quelque estime pour nous. Il est vrai que, pourvu que nous le servions avec humilité, il nous secourt enfin dans nos besoins. Mais si cette vertu ne nous accompagne et ne nous suit pas à pas, il nous abandonnera, et nous fera en cela même une grande miséricorde, puisque ce châtiment nous apprendra, que nous ne saurions trop estimer cette vertu, et que nous n'avons autre chose, que ce qu'il nous donne par sa grâce. De la patience. Voici un autre avis que je vous donne, le démon nous persuade quelquefois que nous avons une vertu, comme, par exemple, la patience, parce que nous nous résolvons de la pratiquer, parce que nous faisons souvent des actes du désir, que nous avons de souffrir beaucoup pour Dieu, et parce qu'il nous semble que ce désir est véritable. Ainsi nous demeurons fort satisfaits à cause que le démon nous aide à nous confirmer dans cette créance. Mais gardez-vous bien, je vous prie, de faire cas de ces sortes de vertus, de penser les connaître, si ce n'est de nom, et de vous persuader que Dieu vous les a donnés, jusqu'à ce que vous le sachiez par expérience, car il pourra arriver qu'à la moindre parole, que l'on vous dira et qui ne vous plaira pas, toute cette prétendue patience s'évanouira. Quand vous aurez beaucoup souffert, rendez alors grâce à Dieu de ce qu'il commence à vous instruire dans cette vertu, et efforcez-vous de continuer à souffrir avec grand courage, puisque ces souffrances font voir qu'il veut que vous lui payer la patience qu'il vous a donnée par l'exercice de cette même patience, en ne la considérant que comme un dépôt qu'il vous a mis entre les mains. De la pauvreté. Voici un autre artifice du démon, il vous représente que vous êtes pauvre, et il a en cela quelques raisons, soit parce que vous avez fait vœu de pauvreté, comme tous les religieux, ou parce que vous désirez dans votre cœur de la pratiquer, ainsi qu'il arrive aux personnes qui s'adonnent à l'oraison. Ces deux choses étant supposées, l'une que le religieux s'estime pauvre, comme ayant fait vœu de l'être, et l'autre que le séculier qui est dans la piété se croit pauvre aussi, parce qu'il désire de l'être, voici ce que tous deux disent, je ne désire rien, et si je possède quelque chose, c'est parce que je ne saurais m'en passer, car je dois vivre pour servir Dieu, qui veut que nous ayons soin de la santé de notre corps, et mille choses semblables. Que cet ange de ténèbres, transformé en ange de lumière, inspire, et qui en apparence sont bonnes. Ainsi il persuade que l'on est véritablement pauvre, que l'on a véritablement la vertu de pauvreté, et que par ce moyen tout est fait. Mais cela ne se pouvant connaître que par les effets, il en faut venir à l'épreuve. On jugera par les œuvres si le séculier est vraiment pauvre, car, s'il a trop d'inquiétude pour le bien, il le fera bientôt voir, soit en désirant plus de revenus, que la nécessité n'en demande, soit en prenant plus de serviteurs qui n'en a besoin, soit dans l'occasion d'un procès pour quelque chose de temporel, ou soit un pauvre fermier manque à le payer, car il n'en aura pas moins d'inquiétude, que si autrement il n'avait pas de quoi vivre. Comme on ne manque jamais de s'excuser, je ne doute point que cette personne ne réponde que ce qu'elle fait en ces rencontres n'est que pour empêcher que, faute de soins, son bien ne se perde. Mais je ne prétends pas qu'elle l'abandonne, je dis seulement qu'elle en doit prendre soin sans empressement. Que si cela réussit, à la bonne heure, sinon, qu'elle prenne patience, car celui qui est véritablement pauvre fait si peu de cas de toutes ces choses, qu'encore qu'il y ait des raisons, qui l'obligent d'en prendre soin. Il ne s'en inquiète point, parce qu'il ne croit jamais pouvoir manquer du nécessaire, et que quand même il lui manquerait, il ne s'en soucierait pas beaucoup. Il considère cela comme l'accessoire, et non pas comme le principal, et ses pensées s'élevant plus haut, il ne s'occupe à des choses si basses que par contrainte. Pour ce qui est des religieux et des religieuses qui sont pauvres, ou qui au moins le doivent être, puisqu'ils en ont fait le vœu, il est vrai qu'ils ne possèdent rien en propre, mais c'est souvent parce qu'ils n'ont rien. Que s'il se rencontre qu'une personne leur veuille donner, ce sera une grande merveille s'ils jugent que ce don leur soit superflu. Ils sont bien aises de mettre en réserve quelque chose. S'ils peuvent avoir des habits d'une fine étoffe, ils ne pensent point à en demander d'une plus grossière, et ils veulent toujours avoir quelques petites choses qu'ils puissent vendre ou engager, quand ce ne serait que des livres, afin que s'il leur arrive une maladie, ils aient de quoi se faire mieux traiter qu'à l'ordinaire. Hélas, pécheresse que je suis, est-ce donc là ce que nous avons promis à Dieu, lorsque nous lui avons fait vœu de renoncer à tous les soins de nous-mêmes pour nous abandonner entièrement à sa conduite, quoi qu'il puisse nous arriver? Si nous avions tant de prévoyance pour l'avenir, n'aurait-il pas mieux valu nous assurer quelques revenus, que nous aurions pu posséder sans distraction et sans trouble? Or, quoique cela se puisse faire sans péché, il est bon de remarquer nos imperfections, afin que voyant qu'il y a beaucoup à dire, que nous ne possédions cette vertu de la sainte pauvreté, nous la demandions à Dieu, et nous nous efforcions de l'acquérir, au lieu que nous ne nous en mettrions pas beaucoup en peine, si nous nous imaginions de l'avoir déjà, et demeurions dans cette fausse persuasion, ce qui serait encore pis. De l'humilité. Il en est de même de l'humilité. Il nous semble que nous ne nous soucions point de l'honneur, ni de quoi que ce puisse être, mais, s'il arrive qu'on nous blesse en la moindre chose, on voit aussitôt, et par nos sentiments et par nos actions, que nous ne sommes point du tout humbles. Que si, au contraire, il s'offre quelque chose qui soit honorable et avantageux, on ne le rejette non plus que ces pauvres imparfaits, dont j'ai parlé ne rejettent point ce qui leur est profitable, et Dieu veuille que l'on ne travaille pas même à le procurer. On a si souvent ces mots à la bouche, « je ne désire rien, je ne me soucie de rien », comme en effet on le pense ainsi, qu'à force de le dire, on se confirme de telle sorte dans cette créance, qu'on ne le met pas en doute. Il importe donc extrêmement de veiller sans cesse sur soi-même, pour découvrir cette tentation, tant dans les choses dont je viens de vous parler qu'en plusieurs autres, puisque chacun sait que lorsque notre Seigneur nous donne véritablement une seule de ses vertus, il semble qu'elle attire après elle toutes les autres. À quoi j'ajoute qu'encore que vous croyez les avoir, vous devez craindre de vous tromper, parce que celui qui est vraiment humble doute toujours de ses propres vertus, et croit celles des autres incomparablement plus grandes, et plus véritables que les siennes. Chapitre 39. Avis pour résister à diverses tentations du démon, et particulièrement aux fausses humilités, aux pénitences indiscrètes, et à la confiance de nous-mêmes qui nous inspire. De la fausse humilité. Gardez-vous aussi, mes filles, de certaines humilités accompagnées d'inquiétudes, que le démon nous met dans l'esprit en nous représentant la grandeur de nos péchés, car il trouble par là les âmes en plusieurs manières, jusqu'à faire qu'elles se retirent de la communion, et discontinuent de faire oraison en particulier, comme s'en jugeant indigne, et ainsi, lorsqu'elles s'approchent de la Sainte Eucharistie. Elles emploient à considérer si elles sont bien ou mal préparées, le temps qu'elles devraient employer pour recevoir des faveurs de Dieu. Cela passe même jusqu'à une si grande extrémité, qu'il leur semble qu'à cause qu'elles sont si imparfaites, Dieu les a tellement abandonnées, qu'elles ne peuvent presque plus se confier en sa miséricorde. Toutes leurs actions, quelque bonnes qu'elles soient, leur paraissent pleines de périls, tout leur service passe dans leur esprit pour inutile, et elles tombent dans une telle défiance, qu'elles perdent entièrement le courage de faire aucun bien, parce qu'elles condamnent en elles comme mauvaises les mêmes choses qu'elles louent dans les autres comme bonnes. Remarquez, je vous prie, mes filles, mais avec grand soin, ce que je vais maintenant vous dire, et ce que je sais par expérience. Il pourra arriver que cette opinion d'être si imparfaite, et si mauvaise pourra dans un temps être une humilité et une vertu, et dans un autre temps une très forte tentation. L'humilité, quelque grande qu'elle soit, n'inquiète point l'âme, ne l'agit point, ne la trouble point, mais au contraire elle est accompagnée de paix, de plaisir et de douceur. Car, quoique l'on se croit être une grande pécheresse, que l'on connaisse clairement qu'on est digne de l'enfer, que l'on avoue mériter être en horreur à tout le monde, que l'on s'en afflige, et que l'on ose presque implorer la miséricorde de Dieu, néanmoins, si cette humilité est véritable, cette peine est accompagnée de tant de douceur et de satisfaction, que l'on ne voudrait pas ne l'avoir point. Non seulement, comme je l'ai dit, elle n'inquiète point ni ne trouble pas l'âme, mais elle lui donne une plus grande liberté et une plus esse grande paix, et la rend plus capable de servir Dieu, au lieu que cette autre peine la presse, l'agite, la tourmente et lui est presque insupportable. Je crois que le démon prétend par là nous persuader que nous avons de l'humilité, et en même temps nous faire, s'il lui était possible, perdre la confiance que nous devons avoir en Dieu. Lorsque vous serez en cet état, détournez le plus que vous pourrez votre pensée de la vue de votre misère, et portez-la à considérer combien grande est la miséricorde de Dieu, quel est l'amour qu'il nous porte, et ce qu'il lui a plu de souffrir pour nous. Il est vrai que si c'est une tentation, vous ne pourrez faire ce que je dis, parce qu'elle ne vous laissera point en repos, et ne vous permettra de penser qu'à ce qui vous donnera de la peine. Encore sera-ce beaucoup si vous pouvez vous apercevoir que c'est une tentation. Des pénitences indiscrètes. Le démon se sert du même artifice lorsque, pour nous donner le sujet de croire que nous faisons plus que les autres, il nous porte à embrasser des pénitences indiscrètes. Que si, quand cela arrive, vous manquez à le découvrir à votre confesseur ou à votre supérieur, ou si, lorsqu'ils vous disent de cesser de faire ces pénitences, vous les continuez encore, c'est une tentation manifeste. Efforcez-vous donc de leur obéir, quelque peine que cela vous donne, puisque c'est en quoi consiste la plus grande perfection. Qu'il faut toujours se défier de soi-même. Ce dangereux ennemi nous attaque par une tentation très périlleuse, en nous mettant dans une certaine assurance, qui nous fait croire que nous ne retournerons jamais plus à nos fautes précédentes, ni à aimer les plaisirs du monde. Ainsi nous disons alors que nous le connaissons trop pour en faire cas, que nous savons que tout passe, et que nous trouvons beaucoup plus de satisfaction à servir Dieu. Si cela arrive dans les commencements, c'est un fort grand mal, parce que cette assurance porte les âmes à ne point craindre de se rengager dans les occasions de péché, et elle cause qu'elles tombent, et Dieu veuille que cette seconde chute ne soit pas pire que la première. Car le démon, voyant que ces personnes sont capables de servir aux autres, et par conséquent de lui nuire, il fait tous ses efforts pour les empêcher de se relever. C'est pourquoi quelque faveur que vous receviez de notre Seigneur, et quelque gage qu'il vous donne de son amour, ne vous tenez jamais si assuré, que vous ne soyez toujours d'âne. Et cette crainte, puisque vous pouvez retomber encore, et fuyez avec soin les occasions qui seraient capables de vous engager dans ce malheur. Communiquez toujours, autant qu'il vous sera possible, ces grâces et ces faveurs à quelques personnes, dont vous puissiez recevoir la lumière et la conduite sans lui rien cacher de tout ce qui vous arrive, et quelque élevée que votre contemplation puisse être, ayez toujours soin de la commencer, et de la finir par la connaissance de vous-même. Que si cette oraison vient de Dieu, vous vous conduirez presque toujours de la sorte, quand bien même vous ne le voudriez pas, et que je ne vous donnerai point cet avis, parce qu'elle est toujours accompagnée d'humilité, et augmente notre lumière pour nous faire connaître le peu que nous sommes. Je n'en dirai pas ici davantage, vous trouverez assez de livres qui pourront vous en instruire, et je ne vous en ai parlé, qu'à cause de l'expérience que j'en ai, et des peines où quelquefois je me suis vu. Car, enfin, quoi que l'on puisse vous dire pour vous assurer, vous ne pourrez jamais vous mettre dans une entière assurance. Que pouvons-nous donc faire, ô mon Dieu, sinon de recourir à vous et vous prier de ne pas permettre que ces ennemis de notre salut nous fassent tomber dans les pièges qui nous dressent. Lorsque leurs efforts nous sont connus, nous pouvons, avec votre assistance, les repousser, mais quant à leur trahison, qui pourra les découvrir si vous ne le lui faites connaître? Nous avons, mon Dieu, sans cesse besoin de vous appeler à notre aide. Dites-nous donc quelque chose, Seigneur, pour nous rassurer et pour nous instruire. Vous savez qu'il y en a peu qui marchent par ce chemin, et il y en aura encore moins, si l'on ne peut y marcher sans être dans des appréhensions continuelles. C'est une chose étrange que les hommes, ne considérant pas que le démon tente, et trompe encore plus les âmes qui ne sont point dans l'exercice de l'oraison que non pas celles qui y sont, ils s'étonnent davantage de voir un seul de ceux qui marchaient par ce chemin, et dont la vie avait paru sainte, tomber dans l'illusion, que d'en voir 100 000 qui, étant hors de ce chemin, sont trompés par cet esprit malheureux. Et vivent dans des péchés et des désordres publics, en marchant dans une voie que l'on ne saurait douter qui ne soit très mauvaise. Mais ils ont raison, puisqu'entre ceux qui récitent le Paternoster en la manière que j'ai dite, il y en a si peu qui soient trompés par l'artifice du malin esprit, qu'il y a sujet de s'en étonner, comme d'une chose extrêmement rare, car il est ordinaire aux hommes de ne point remarquer ce qu'ils voient à tout moment, de s'étonner au contraire de ce qu'ils ne voient presque jamais, joint à cela que les démons ont tant d'intérêt d'imprimer cet étonnement dans leur esprit, parce qu'ils savent qu'une seule âme arrivée à la perfection, sera capable de leur en faire perdre beaucoup d'autres en les délivrant de leur servitude. Cela, dis-je, est si étonnant, que je ne suis pas surprise qu'on s'en étonne, puisque, si ce n'est pas leur faute, ceux qui marchent dans ce chemin de l'oraison, n'ont pas moins d'avantage sur les autres que ceux qui regardent le combat des taureaux de dessus un échafaud en ont sur ceux qui, étant au milieu de la place, sont exposés au coup de leur corde. C'est une comparaison qu'il me souvient d'avoir ouï faire sur ce sujet, et qui me semble fort juste. Ne craignez donc point, mes sœurs, de marcher par ce chemin, ou, pour mieux dire, par l'un de ces chemins de l'oraison, car il y en a plusieurs, les uns se trouvant bien d'aller par l'un et les autres par un autre. Croyez-moi, c'est une voie extrêmement sûre, et vous serez beaucoup plus tôt délivré des tentations, lorsque vous vous approcherez de notre Seigneur par l'oraison que quand vous serez éloigné de lui. Priez-le donc de vous la donner, et demandez-la lui en disant, comme vous faites tant de fois le jour, le Pater Noster. Chapitre 8. Que l'amour et la crainte de Dieu joints ensemble, sont un puissant remède pour résister aux tentations du démon. Quel sera, à la mort, le malheur de ceux qui n'auront pas aimé Dieu, et le bonheur de ceux qui l'auront aimé? Résister aux tentations du démon par l'amour et par la crainte de Dieu. Ô mon cher maître, donnez-nous quelques moyens de nous garantir des embûches de nos ennemis dans une guerre si périlleuse. Celui que sa divine majesté nous donne, mes filles, et dont nous pouvons user hardiment, est de conserver toujours l'amour et la crainte. L'amour nous pressera de marcher, et la crainte nous fera prendre garde où nous marchons, afin de ne pas tomber dans un chemin où tant de choses peuvent nous faire broncher, ainsi que sont presque tous ceux où l'on marche dans cette vie. Ce sera là le vrai moyen de ne pouvoir être trompé. Vous me demanderez peut-être à quoi vous pourrez connaître que vous possédez ces grandes vertus, et vous aurez raison de le demander, puisqu'il est certain que vous ne sauriez en être entièrement assuré. Car si vous l'étiez d'avoir un véritable amour de Dieu, vous le sauriez aussi d'être en grâce. Néanmoins, mes filles, il y en a des marques si évidentes, qu'il semble que les aveugles même peuvent les voir. Elles ne sont ni secrètes, ni cachées, mais font tant de bruit, que quand vous ne le voudriez pas, vous ne sauriez ne point les entendre. Le nombre de ceux qui possèdent en perfection ces deux qualités est si petit, qu'ils se font aisément remarquer par leur rareté, et d'autant plus connaître, que plus ils demeurent dans le silence et dans le secret. Cet amour et cette crainte de Dieu sont comme deux places fortes, d'où l'on fait la guerre au monde et aux démons. Ceux qui aiment Dieu véritablement, aiment tout ce qui est bon, veulent tout ce qui est bon, favorisent tout ce qui est bon, louent tout ce qui est bon, se joignent toujours avec les bons, les soutiennent, les défendent, et n'aiment que la vérité et les choses dignes d'être aimées. Car croyez-vous que ceux qui aiment Dieu véritablement puissent aimer ni les vanités, ni les plaisirs, ni les richesses, ni les honneurs, ni toutes les autres choses du monde? Croyez-vous qu'ils puissent avoir des contestations, des disputes, de la jalousie et de l'envie? Hélas, comment cela pourrait-il se faire, puisque toute leur passion est de contenter celui qu'ils aiment, puisqu'ils brûlent du désir de se rendre dignes d'être aimés de lui, et puisqu'ils donneraient leur vie avec joie, s'ils croyaient, par ce moyen, pouvoir lui plaire davantage? Lorsque l'amour que l'on a pour Dieu est véritable, il est impossible de le cacher. Voyez-en des exemples dans saint Paul et dans sainte Madeleine. L'un parut visiblement blessé de l'amour de Dieu dès le troisième jour, et l'autre dès le premier jour. Car l'amour a des degrés différents, et se fait connaître plus ou moins, selon qu'il est plus ou moins fort. S'il est petit, il ne se fait connaître que peu, s'il est grand, il se fait beaucoup connaître, mais, partout où il va de l'amour de Dieu, soit qu'il soit grand ou qu'il soit petit, il se fait toujours connaître. S'il est grand, par de grands effets, s'il est petit, par de petits. Pour revenir à ce que je disais touchant la marque à laquelle on peut juger, si les contemplatifs sont trompés par les illusions du démon, il est certain qu'il n'y a jamais peu d'amour en eux. Ou ils ne sont point de vrais contemplatifs, ou leur amour est très grand, et alors il se fait connaître en une infinité de manières. C'est un grand feu qui ne saurait manquer de jeter beaucoup de lumière, et, à moins que cela, ces contemplatifs doivent marcher avec une grande défiance d'eux-mêmes, croire qu'ils ont sujet de craindre, travailler à en découvrir la cause, recourir à l'oraison, pratiquer l'humilité, et prier Dieu de ne pas permettre qu'ils succombent à la tentation. Car je vois beaucoup de sujets d'appréhender que nous ne soyons tentés, lorsque nous ne sentons pas en nous cet amour de Dieu, qui est la marque de la véritable piété. Mais, pourvu que vous marchiez toujours dans l'humilité, que vous vous efforciez de connaître la vérité de ce qui se passe en vous, que vous vous teniez soumise à votre confesseur, et que vous lui ouvriez votre cœur avec une entière sincérité, vous devez croire que le Seigneur est fidèle, qu'il ne vous manquera point, et que votre esprit étant éloigné de toute malice et de tout orgueil, quelque frayeur que le démon puisse vous causer, et quelque piège qu'il puisse vous tendre, il vous donnera la vie par les mêmes moyens qu'il voulait vous donner la mort. Que si vous sentez en vous cet amour de Dieu dont j'ai parlé, et qu'il soit accompagné de la crainte dont je vais parler, réjouissez-vous et soyez tranquille, nonobstant toutes ces fausses terreurs par lesquelles le démon s'efforcera de vous troubler, et qu'il fera que les autres vous donneront, afin de vous empêcher de jouir d'un si grand bien. Car voyant qu'il ne peut plus espérer de vous gagner, il tâchera au moins de vous nuire en quelque sorte, et à ceux qui auraient pu tirer beaucoup d'avantage de la créance qu'ils auraient que Dieu, par son infini pouvoir, fait ses faveurs si extraordinaires à une misérable créature. Ce que je dis parce que l'oubli où nous sommes quelquefois de ces anciennes miséricordes, nous persuade que cela est impossible. Or pensez-vous qu'il importe peu au démon de nous jeter dans ses craintes? Il fait ainsi deux mots tout ensemble, l'un, que ceux qui en entendent parler, n'osent s'exercer à leur raison, de peur d'être aussi trompés, l'autre, qu'il y en aurait sans cela, beaucoup plus qui s'approcheraient de Dieu par le désir d'être tout à lui, voyant, comme je l'ai dit, qu'il est si bon qu'il ne dédaigne pas de se communiquer à des pécheurs. Ceci est si véritable, que je connais quelques âmes qui, étant encouragées par cette considération, ont commencé de s'occuper à leur raison, et ont reçu, en peu de temps, de si grandes faveurs de Dieu qu'elles sont devenues véritablement contemplatives. Ainsi, mes sœurs, lorsque vous enverrez quelqu'une entre vous à qui notre Seigneur fera de semblables grâces, remerciez-l'en extrêmement, mais ne vous imaginez pas néanmoins qu'elle soit en assurance, au contraire, assistez-la encore davantage par vos prières, puisque nul ne peut être assuré du rang, qu'il est encore engagé dans les périls d'une mer agitée d'autant de tempêtes qu'est cette vie. Vous n'aurez donc pas de peine à connaître cet amour, lorsqu'il sera véritable, et je ne comprends pas comment il pourrait demeurer caché, car si l'on dit qu'il est impossible de dissimuler celui que l'on porte aux créatures, et qu'il se découvre d'autant plus qu'on s'efforce davantage de le couvrir, quoique j'aie honte d'user de cette comparaison, puisque l'amour que l'on a pour elle n'étant fondé que sur un néant. Il ne mérite pas de porter le nom d'amour, comment pourrait-on cacher un amour aussi violent que celui que l'on a pour Dieu, un amour si juste, un amour qui croît toujours, parce qu'il découvre incessamment mille nouveaux sujets d'aimer sans pouvoir jamais en découvrir aucun de ne pas aimer, et enfin un amour dont le fondement est la récompense et l'amour d'un Dieu, qui, pour faire que nous ne puissions douter qu'il nous aime, nous l'a témoigné par tant de travaux et de douleurs, par l'épanchement de tant de sang, et par la perte même de sa propre vie. Hélas, mon Sauveur, que celui qui a éprouvé ces deux amours en distingue bien la différence. Je supplie votre divine majesté de nous la faire connaître, avant que nous sortions de cette vie, car quelle consolation ne nous sera ce point, à l'heure de notre mort, de voir que nous allons être jugés par celui que nous aurons aimé sur toutes choses. Nous lui porterons alors sans crainte la cédule où ce que nous lui devons sera écrit, et nous ne considérerons pas le ciel comme une terre étrangère, mais comme notre véritable patrie, puisqu'elle a pour roi celui que nous avons tant aimé et qui nous a tant aimé, cet amour ayant cet avantage sur tous les amours du monde, que, pourvu que nous aimions, nous ne pouvons douter que l'on ne nous aime. Quel sera, à la mort, le malheur de ceux qui n'auront pas aimé Dieu? Considérez, mes filles, combien grand est le bonheur d'avoir cet amour, et quel malheur c'est de ne pas l'avoir, puisque ne l'ayant point, on tombe entre les mains de ce tentateur, entre ses mains si cruelles, entre ses mains si ennemies de toutes sortes de biens, et si amies de toutes sortes de mal. Où en sera donc réduite cette pauvre âme, Lorsque, au sortir des travaux et des douleurs de la mort, elle se trouvera entre ses mains barbares et impitoyables, et qu'au lieu de jouir de quelque repos après tant de peines, elle sera précipitée dans l'abîme de l'enfer où une horrible multitude de serpents l'environneront de toutes parts. Quel terrible et épouvantable lieu! Quel déplorable et infortuné séjour! Que si les personnes qui aiment leurs aises, et qui sont celles qui courent le plus de risques de tomber dans ce malheur, ont peine à souffrir ici-bas, durant une seule nuit, une mauvaise hôtellerie, quelle sera, à votre avis, la peine qu'elles souffriront à passer, toute une éternité dans cette affreuse demeure? Ne désirons donc point, mes filles, de vivre à notre aise, nous sommes fort bien comme nous sommes, les incommodités de la vie présente, peuvent se comparer à une nuit qui se passe dans un mauvais gîte. Louons Dieu de ce que nous souffrons, et efforçons-nous de faire pénitence, tandis que nous sommes en ce monde. Ô combien douce sera la mort de celui qui aura fait pénitence de tous ses péchés, puisqu'il pourra se faire que, n'allant point en purgatoire, il commencera presque dès cette vie à entrer dans la gloire des bienheureux, et qu'ainsi, étant affranchi de toutes sortes de craintes, il jouira d'une entière paix. Ne serait-ce pas, mes sœurs, une grande lâcheté de ne point aspirer à ce bonheur, puisqu'il n'est pas impossible de l'acquérir? Au moins nous demandons à Dieu que si notre âme, en quittant ce corps, doit être dans la souffrance, ce soit en un lieu où nous l'endurions volontiers, où nous espérions qu'elle finira, et où nous ne craignons point que notre divin époux cesse de nous aimer, ni qu'il nous prive de sa grâce, prions-le de nous la donner en cette vie, afin de ne point tomber en tentation sans nous en apercevoir et sans le connaître. Chapitre 8 Sali. Continuation du discours sur la crainte de Dieu. Qu'il faut éviter avec soin les péchés véniels, dont il y a de deux sortes. Que lorsqu'on est affermi dans la crainte de Dieu, on doit agir avec une sainte liberté, et se rendre agréable à ceux avec qui l'on a à vivre, ce qui est utile en plusieurs manières. Que je me suis étendu sur ce sujet, mais non pas tant néanmoins que je l'aurais désiré, car qu'y a-t-il de plus agréable que de parler d'un tel amour? Et que sera-ce donc de l'avoir? Ô Seigneur, mon Dieu, donnez-le-moi, s'il vous plaît, faites-moi la grâce de ne point sortir de cette vie jusqu'à ce que je n'y désire plus rien, et que, hormis vous, je sois incapable de rien aimer, faites même, s'il vous plaît, que je n'use jamais de ce terme d'aimer, sinon pour vous seul, puisque, excepté vous, rien n'étant solide, on ne pourrait rien bâtir sur un tel fondement, qui ne tomba aussitôt par terre. Je ne sais pourquoi nous nous étonnons d'entendre dire, celui-là me paie mal du plaisir que je lui ai fait, ou, cet autre ne m'aime point. En vérité, je ne saurais m'empêcher d'en rire, car qu'est-ce donc qu'il vous doit, pour vous le payer? Et sur quoi vous fondez-vous pour prétendre qu'il vous aime? Cela doit au contraire vous faire connaître quel est le monde, puisque cet amour même que vous lui portez, deviendra le sujet de votre tourment et de votre inquiétude, lorsque Dieu vous ayant touché le cœur, vous aurez un regret sensible d'avoir ainsi, été possédé de ces basses affections, qui ne sont que des jeux de petits enfants. De la crainte de Dieu. Je viens maintenant à ce qui regarde la crainte de Dieu, quoique j'ai un peu de peine de ne point dire quelque chose de cet amour du monde dont j'ai tant de connaissances, et que je voudrais vous faire connaître, pour vous en délivrer entièrement, mais il faut que je le laisse, parce qu'il me fait sortir de mon sujet. Celui qui a la crainte de Dieu s'en aperçoit facilement, et ceux qui traitent avec lui n'ont pas de peine à le remarquer. Néanmoins vous devez savoir que cette crainte, n'est pas si parfaite au commencement, si ce n'est en quelques personnes à qui notre Seigneur, comme je l'ai dit, fait de très grandes grâces en fort peu de temps, et qu'il élève à une oraison si sublime, qu'on voit sans peine qu'ils sont remplis de cette divine crainte. Mais, à moins de cette effusion de grâce, qui enrichit d'abord une âme de tant de vertus, cette crainte ne croît que peu à peu, et s'augmente chaque jour. Néanmoins on ne laisse pas de remarquer bientôt, par des signes qu'en donnent ces âmes, soit en renonçant au péché, soit en évitant les occasions d'y tomber, soit en fuyant les mauvaises compagnies et autres choses semblables. Mais quand une personne est arrivée jusqu'à la contemplation, qui est le principal sujet dont je traite ici, comme elle ne saurait dissimuler son amour pour Dieu, elle ne saurait non plus cacher sa crainte, non pas même en l'extérieur. Ainsi, quelque soin qu'on apporte à l'observer, on la trouve toujours veillant sur ses actions, et notre Seigneur la conduit de telle sorte par la main, pour parler ainsi, qu'il n'y a point d'occasion où elle voulut, pour quoi que ce fût, commettre seulement un péché véniel de propos libéré, car, quand aux mortels, elle les appréhende comme le feu. Ce sont là, mes sœurs, les illusions que je désire que nous appréhendions beaucoup. Prions Dieu continuellement qu'il ne permette pas que les tentations soient si violentes qu'elles nous portent à l'offenser, mais proportionnées aux forces qu'il nous donne pour les surmonter, puisque, pourvu que notre conscience soit pure, elles ne sauraient nous nuire que fort peu ou point du tout. Voilà donc quelle est cette crainte que je désire qu'il ne vous abandonne jamais, comme étant la seule qui nous est utile. Auquel avantage c'est, mes filles, que de n'avoir point offensé Dieu. Les démons qui sont ses esclaves demeurent, par ce moyen, enchaînés à notre égard. Car il faut que toutes les créatures lui obéissent de gré ou de force, mais, avec cette différence, que ce que les démons font par contrainte, nous le faisons d'une pleine volonté, tellement que, pourvu qu'ils soient satisfaits de nous, il y aura toujours une barrière entre eux et nous qui, malgré toutes les tentations et tous leurs pièges, les empêchera de nous nuire. Des péchés véniels. Cet avis est si important, que je vous prie de le graver dans votre cœur, et de vous en souvenir toujours, jusqu'à ce que vous vous sentiez, être dans une si ferme résolution de ne point offenser Dieu, que vous perdiez plutôt 1000 vies, que de faire un péché mortel, et que vous apportiez un extrême soin de n'en point commettre de véniel, lorsque vous vous en apercevrez. Car, quant à ceux qui se commettent par l'inadvertance, qui peut être capable de s'en garantir? Or, il y a deux sortes d'inadvertance, si l'on peut user de ce terme, l'une est accompagnée de réflexion, et l'autre qui est si soudaine, que le péché véniel est presque plutôt commis, que l'on ne s'en est aperçu. Dieu nous garde des fautes qui se commettent avec cette première inadvertance, quelque légère qu'elle paraisse. J'avoue que je ne comprends pas comment nous pouvons être assez hardis pour offenser un si grand Seigneur, quoiqu'en des choses légères, et sachant, comme nous le savons, que rien n'est petit de ce qui peut être désagréable à une si haute majesté, qui a sans cesse les yeux arrêtés sur nous. Car ce péché ne peut être, ce me semble, qu'un péché prémédité, puisque c'est comme qui dirait, « Seigneur, bien que cela vous déplaise, je ne laisserai pas de le faire, je sais que vous le voyez, et je ne puis douter que vous ne le voulez pas, mais j'aime mieux suivre mon désir que votre volonté. » Quoi, l'on osera faire passer cela pour une chose de néant. Je suis d'un sentiment bien contraire, car je trouve que c'est non seulement une faute, mais une très grande faute. Je vous conjure donc, mes sœurs, si vous désirez d'acquérir cette heureuse crainte de Dieu dont je parle, et qui vous importe de haute, de repasser souvent dans votre esprit, pour l'enraciner dans vos âmes, quel péché c'est de l'offenser. Mais, jusqu'à ce que vous l'ayez acquise, marchez toujours avec une extrême circonspection, évitez toutes les occasions et toutes les compagnies qui ne peuvent vous aider à vous approcher plus près de Dieu, prenez garde en tout ce que vous faites de renoncer à votre propre volonté, ne dites rien qui ne puisse édifier ceux qui vous écoutent, et fuyez tous les entretiens, dont Dieu ne sera pas le sujet. Il faut beaucoup travailler pour imprimer de telle sorte, cette crainte dans notre âme qu'elle y soit comme gravée, et si nous avons un véritable amour de Dieu, nous pourrons bientôt l'acquérir. Que si nous reconnaissons en nous une ferme résolution de ne vouloir pour rien au monde offenser un si grand maître, encore que nous tombions quelquefois, nous ne devons pas nous décourager, mais tâcher d'en demander aussitôt pardon à Dieu, Et reconnaître que nous sommes si faibles, et avons si peu de sujets de nous fier à nous-mêmes, que lorsque nous sommes les plus résolus à faire le bien, c'est alors que nous devons avoir moins de confiance en nos propres forces et ne l'établir qu'en Dieu seul. Agir avec une sainte liberté. Ainsi, quand nous avons sujet de croire que nous sommes dans ses dispositions, nous n'avons pas besoin de marcher avec tant d'appréhension et de contrainte, parce que notre Seigneur nous assistera, et que nous nous accoutumerons à ne le point offenser. Il faut, au contraire, agir avec une sainte liberté, lorsqu'on traite avec les personnes à qui l'on sera obligé de parler, bien qu'elles fussent distraites, parce que ceux-là même qui auparavant, que vous eussiez acquis cette véritable crainte de Dieu, auraient été pour vous un poison qui aurait contribué à tuer votre âme, pourront souvent vous aider à aimer Dieu davantage, et à le remercier de vous avoir délivré d'un tel péril qui vous est si visible. Tellement qu'au lieu d'augmenter leur faiblesse, vous la ferez diminuer peu à peu, par la retenue que leur donneront votre présence et leur respect pour votre vertu. Je ne saurais me lasser de rendre grâce à notre Seigneur, en considérant d'où peut venir qu'il arrive souvent que, sans qu'un serviteur de Dieu dise une seule parole, il empêche qu'on ne parle contre sa divine majesté. Je m'imagine que c'est de même que lorsque nous avons un ami, on n'ose, quoi qu'il soit absent, rien dire à son préjudice, en notre présence, parce que l'on sait qu'il est notre ami. Ainsi, lorsque l'on connaît qu'une personne, pour basse et pour vile qu'elle soit en elle-même, est en grâce, et par conséquent aimée de Dieu, on la respecte et l'on a peine à se résoudre de lui donner un déplaisir aussi sensible que celui qu'elle recevrait de voir offenser son Seigneur. Je n'en sais point d'autre raison, mais cela arrive ordinairement. Je vous exhorte, mes filles, à fuir la gêne et la contrainte, parce que l'âme qui s'y laisse aller se trouve par là peu disposée à toutes sortes de biens, et tombe quelquefois dans des scrupules qui la rendent inutile à aller aux autres. Que si, demeurant gênée de la sorte, elle ne tombe pas dans ses scrupules, quoiqu'elle soit bonne pour elle-même, elle sera incapable de servir à d'autres pour les faire avancer dans la piété, parce que cette contrainte est si ennemie de notre nature, qu'elle nous intimide et nous effraie. Ainsi quoique ces personnes soient persuadées, que le chemin que vous tenez est meilleur que celui où elles marchent, l'appréhension de tomber dans ces gênes, et ces contraintes où elles vous voient, leur fera perdre l'envie qu'elles avaient d'y entrer. Cette contrainte où vous seriez produirait aussi un autre mal, c'est que voyant les autres marcher par un différent chemin, et traitant librement avec le prochain pour contribuer à son salut, quoique cette manière d'agir soit plus parfaite, vous vous imagineriez qu'il y aurait de l'imperfection, et condamneriez comme un défaut et un excès, la joie toute sainte que ces personnes feraient paraître dans ces rencontres. Ce qui est très périlleux, principalement en nous qui n'avons nulle science, et qui par conséquent ne savons pas discerner, ce qui se peut faire sans péché, outre que c'est être dans une tentation continuelle et fort dangereuse, parce qu'elle va au préjudice du prochain. Et joint aussi que c'est très mal fait de s'imaginer, que tous ceux qui ne marchent pas comme vous, dans ce chemin de contrainte ne sont pas dans la bonne voie. À quoi l'on peut ajouter un autre inconvénient, qui est dans certaines occasions où votre devoir vous obligerait de par un l'air, cette crainte scrupuleuse d'excéder en quelque chose. Ce vous en retiendrait, ou vous ferait peut-être dire du bien de ce dont vous devriez témoigner et avoir de l'horreur. Tâchez donc, mes filles, autant que vous le pourrez, sans offenser Dieu, de vous conduire de telle sorte envers toutes les personnes avec qui vous aurez à vivre, qu'elles demeurent satisfaites de votre conversation, qu'elles désirent de pouvoir imiter votre manière d'agir, et que la vertu leur paraisse si belle, et si aimable dans vos entretiens, qu'au lieu de leur faire peur, elle leur donne du respect et de l'amour. Cet avis est très important aux religieuses. Plus elles sont saintes, et plus elles doivent s'efforcer de témoigner de la douceur et de la bonté envers leurs sœurs. C'est pourquoi lorsque leurs discours ne sont pas tels que vous le désireriez, quoique cela vous donne beaucoup de peine, Gardez-vous bien de le témoigner, et de vous éloigner d'elles. Par ce moyen elles vous aimeront et vous leur serez utiles, ce qui nous oblige à prendre un extrême soin de ne plaire à tous ceux avec qui nous avons à traiter, mais principalement à nos sœurs. Contre les scrupules. Tâchez, mes filles, de bien comprendre cette importante vérité, que Dieu ne s'arrête pas tant à de petites choses que vous l'imaginez, et qu'ainsi vous ne devez point vous gêner l'esprit, parce que cela pourrait vous empêcher de faire beaucoup de bien. Ayez seulement, comme je l'ai dit, l'intention droite et une volonté déterminée de ne point offenser Dieu, sans laisser accabler votre âme par des scrupules, puisqu'au lieu de devenir sainte par ce moyen, vous tomberiez en beaucoup d'imperfections où le démon vous pousserait insensiblement, sans, je le répète encore, que vous fussiez utile ni aux autres, ni à vous-même, ainsi qu'autrement vous l'auriez pu être. Vous voyez donc que par le moyen de ces deux choses, l'amour et la crainte de Dieu, nous pouvons marcher sans inquiétude dans ce chemin, mais non pas sans prendre garde à nous, puisque la crainte doit toujours nous précéder. Car il est impossible d'être en cette vie dans une entière assurance, et cette assurance nous serait même très dangereuse, ainsi que notre divin maître nous l'enseigne, puisqu'il finit son oraison à son père par ces paroles qu'il savait nous devoir être très utiles, mais délivrez-nous du mal. Chapitre Uxali. Sur ces dernières paroles du Pater, mais délivrez-nous du mal. Ce fut, ce me semble, avec beaucoup de raison que le Seigneur de nos âmes fit cette prière à son Père, et délivre-nous du mal, c'est-à-dire, délivrez-nous des périls et des travaux de cette vie, puisque nous risquons sans cesse de tomber, et que pour lui il fit assez voir combien, il était là de vivre lorsqu'il dit dans la scène à ses apôtres, « J'ai désiré de tout mon cœur de faire cette scène avec vous. » Car cette scène étant la dernière qu'il devait faire, il paraît assez par là combien la mort qu'il allait souffrir lui était agréable, et maintenant ceux qui sont âgés de 100 ans, non seulement ne se lassent point de vivre, mais voudraient bien ne jamais mourir. Il est vrai, je l'avoue, que nous ne passons pas notre vie dans une si grande pauvreté, de si grands travaux et si grandes souffrances, que notre divin Rédempteur a passé la sienne. Car qu'est-ce que toute sa vie a été, sinon une mort continuelle, puisque le cruel supplice que les Juifs devaient lui faire souffrir, et qu'il avait toujours devant les yeux, était le moindre de ses tourments? Sa grande douleur était de voir son père offensé en tant de manières, et tant d'âmes se perdre malheureusement. Que si ce serait un très grand sujet d'affliction à une personne qui aurait de la charité, de quelle sorte la charité sans borne de notre Seigneur n'en était-elle point touchée? Ainsi n'avait-il pas grande raison de prier son Père de le délivrer de tant de peines pour le faire jouir d'un repos éternel dans son royaume, dont il était le véritable héritier? C'est pourquoi il ajoute ces paroles, « Ainsi soit-il ». Ce qui est en un terme dont on se sert quand on finit un discours, il me semble qu'il veut signifier par là, que son intention est de demander pour nous à son Père de nous délivrer pour jamais de toutes sortes de mal. Ainsi je prie Dieu d'exaucer cette prière en ma faveur, puisque je ne m'acquitte point de ce que je lui dois, et que peut-être je m'endette chaque jour de plus en plus. Mais, Seigneur, ce qui m'est insupportable c'est de ne pouvoir savoir assurément si je vous aime et si mes désirs vous sont agréables. Ô mon Créateur et mon Maître, délivrez-moi donc de tout mal, ayez la bonté de me conduire en ce bienheureux séjour où toutes sortes de biens abondent, car que peuvent attendre ici-bas ceux à qui vous avez donné quelques connaissances du néant du monde, et qui ont une foi vive de la félicité que le Père éternel leur réserve dans le ciel? Cette demande faite avec une pleine volonté, et un désir ardent de jouir de Dieu, sert d'une grande marque au contemplatif pour s'assurer que les faveurs qu'ils reçoivent dans l'oraison viennent de Dieu. Ainsi ceux qui possèdent un si grand bien, ne sauraient prendre trop de soin de le conserver. Il est vrai que je désire comme de mourir, mais non pas pour la même raison que, et je le dis afin qu'on connaisse la différence qu'il y a entre eux et moi, car, ayant si mal vécu jusqu'à cette heure, je crains de vivre plus longtemps, et je suis lasse de tant de travaux. Il ne faut pas s'étonner que ceux qui goûtent les faveurs de Dieu souhaitent d'en jouir pleinement, et que, s'ennuyant de demeurer dans une vie où tant d'embarras les empêchent de posséder un si grand bien, ils désirent de se voir dans cette bienheureuse patrie où le soleil de justice les éclairera éternellement. Cette pensée leur fait paraître tout ce qui est ici-bas comme couvert de ténèbres, et je m'étonne qu'ils puissent y vivre. Car comment peut être content celui à qui Dieu a commencé de faire goûter quelque chose de la félicité de son royaume, où l'on ne vit plus par sa propre volonté, mais par celle de ce grand et de ce souverain monarque. Ô combien excellent doit être cette autre vie, puisqu'on n'y peut jamais désirer la mort par l'espérance d'être plus heureux, et combien est différente la soumission que nous avons en ce monde à la volonté de Dieu, et celle que les saints ont en l'autre. Il veut que nous aimions la vérité et nous aimons le mensonge, il veut que nous aimions ce qui est éternel, et nous aimons ce qui est fragile et périssable, il veut que nous aimions les choses grandes et élevées, et nous aimons les choses petites et basses, il veut que nous aimions ce qui est certain, et nous aimons ce qui est douteux et incertain. Certes, mes filles, tout n'est que folie et que vanité, excepté de prier Dieu qui nous délivre pour jamais de toutes sortes de mal, et, quoique notre désir ne soit pas accompagné d'une grande perfection, ne laissons pas de nous efforcer de faire une demande si importante. Car pourquoi craindre de demander beaucoup, puisque celui à qui nous demandons est tout-puissant, et n'y aurait-il pas de la honte à ne demander qu'un denier à un empereur? Afin donc de ne point nous tromper dans les demandes que nous faisons à Dieu, soumettons-nous entièrement à sa volonté après lui avoir donné la nôtre, et attendons avec patience tout ce qu'il lui plaira de nous donner. Je le prie que sa volonté soit toujours accomplie en moi, et que son nom soit à jamais sanctifié dans le ciel et sur la terre. Ainsi soit-il. Voyez, mes sœurs, de quelle sorte notre Seigneur m'a tiré de peine en vous enseignant, ainsi qu'à moi le chemin dont j'avais commencé à vous parler, et en me faisant connaître quelle est la grandeur et l'excellence de ce que nous demandons, lorsque nous faisons cette sainte et admirable prière, qu'il soit béni éternellement, puisqu'il est vrai qu'il ne m'est jamais venu dans l'esprit que cette divine raison enferma d'aussi grand secret que ce que vous avez remarqué, et qu'elle enseignait tout le chemin que l'âme doit faire depuis son premier commencement jusqu'à s'abîmer en Dieu même, et boire tant qu'elle veut dans cette source d'eau vive, qui se rencontre à la fin de ce chemin. Aussi est-il vrai que lorsque j'achève de dire cette oraison, je ne saurais passer plus avant, et je pense, mes sœurs, que Dieu a voulu par là nous faire comprendre combien grande est la consolation qu'elle renferme. Elle est telle que les personnes même qui ne savent pas lire, pourraient, s'ils l'entendaient bien, y trouver tant d'avantages qu'ils en tireraient tout ensemble et beaucoup d'instructions, et un grand soulagement dans leur peine. Apprenons donc, mes filles, à nous humilier en considérant avec quelle humilité notre bon maître nous enseigne, et priez-le de me pardonner la hardiesse que j'ai prise de parler de choses si relevées, puisque la seule obéissance me l'a fait faire. Sa divine majesté sait que j'en étais incapable, si elle ne m'eût appris ce que j'avais à vous dire. Remerciez-la, mes sœurs, de cette grâce qui ne m'a sans doute accordée qu'en considération de l'humilité avec laquelle vous avez désiré cela de moi, et voulu être instruite par une personne aussi misérable que je suis. Si le Père présent est Dominique Bagneux, mon confesseur, à qui je donnerai cet écrit avant que vous le voyiez, juge qu'il vous puisse être utile, et qu'il vous le mette entre les mains, je n'aurai pas peu de consolation de celle que vous en recevrez. Mais s'il trouve qu'il ne soit pas digne d'être vu, vous vous contenterez, s'il vous plaît, de ma bonne volonté, puisque j'ai obéi à ce que vous m'avez ordonné, et je me tiendrai très bien payé de la peine que j'ai prise de l'écrire, je dis de l'écrire, n'en ayant certainement aucune pour penser à ce que je devais dire. Bénissons et louons à jamais notre Seigneur, de qui seul procède tout le bien que nous pensons, que nous disons et que nous faisons. Ainsi soit-il. Markendanvoordepresse.com, d'après abbé Saint-Benoît.ch, Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.